Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd. Ça critique la foule. Ah, je l'observe surtout, je l'aime, je l'apprécie. J'en fais bien des comptes rendus. J'essaye de te comprendre d'abord et avant tout, chère foule, et les humains qui en constituent. Parce que ouais, les crowds de chiens, ça m'intéresse pas tant, là, quoique la SPCA, c'est fort sympathique. Alors, sur ce, cette semaine, on est encore tout en variété à l'émission parce que, déjà, j'ai pas terminé ce que j'ai dit la semaine dernière. Trop de contenu. Je sais pas le monde qui dit « Ah, oh, l'été, les festivals, on a trop à voir. » Mais non, cet automne, il me semble que ça arrête plus, mais pas à peu près. Alors, je suis allée voir un show de techno dans un loft désaffecté. Fait que je te fais un retour là-dessus parce que ça vaut la peine. Et surtout parce que c'était une première pour Critique de Crowd. Pour les habitudes de l'émission, oui, d'habitude, je préfère quand ça trash. Alors, là, on est complètement dans un autre univers. Et sinon, par la suite, hier soir, c'était Guérilla Poubelle au Ritz PDB et je suis aussi allée voir Tambour et compagnie à la Sala Rossa. Alors, peut-être que vous êtes amateur des deux. Sinon, autrement, ben, c'est la musique instrumentale et l'autre, c'est du punk rock. Oui, méchant mélange! Et c'est surtout incroyable, j'ai été capable de faire tout ça en même temps. Ça, faut juste remercier qu'il y ait des taxis qui passent dans les rues de Montréal. Fait que voilà, on va continuer en musique, on va plutôt commencer en musique avec Les Beaux Vrouven. Ils ont un album, Griff Pif. Ils vont être en spectacle bientôt à Montréal au mois de novembre. J'ai bien hâte parce que je les ai toujours pas vus. Et Les Beaux Vrouven, ça fait longtemps aussi qu'on n'avait pas eu de leurs nouvelles. Alors, première chanson en franco de leur part, Griff Pif. Tes messages à la lune. Elle va écouter, peut-être encore te répondre. De temps en temps, je pense à toi. Je descends à travers les tunnels du champ des possibilités. Et je vois les univers parallèles, mieux sur mon bon terme. C'est un son magnifique. Dans un, je suis un sainte avec ton enfant. Dans un autre, nous nous rencontrons, mais nous nous séparons et nous ne discutons plus jamais. Mais nous sommes heureuses malgré tout. Regarde-nous ensemble. Be at peace, babe. We'll be right back. Ah, comme c'est agréable d'entendre du nouveau Lesbo Vrouvren que vous avez entendu sur les ondes de la marge. Griff pif, ou peut-être je devrais dire griff pif, quand on est multiplié par plein de F, ou du moins trois pour chaque onomatopée. Vas-y à ta discrétion, cher auditeur de CISM. Sinon, vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolene. Et, ben oui, je parle trop à Critique de Crowd. Effectivement, puis la semaine dernière, je vous ai juste teasé. Je vous ai dit, oui, je suis allée découvrir ce monde obscur qu'est la techno dans des lofts où j'ai aucune idée si c'est tant légal ou non comme endroit. Et c'est surtout un peu par hasard que je suis allée à cet événement-là, puisque c'était samedi dernier, fin de spectacle Satire à l'hémisphère gauche. Je dis Satire parce que c'était la présentation de la compilation Satire avec différents groupe qui s'y trouve et je suis avec mon ami et je ris pour moi-même parce que il est fou et fringant. Tu sais, on était là, on marchait comme des gamins, puis il avait acheté des murs, puis il en donnait à tout le monde, il en a donné au spectacle. Puis là, on était comme « Hey! On va rejoindre mes amis, on va écouter de la techno, Jolene. » Puis je me suis dit « Ah! Soyons fous, allons-y! » Alors, direction je ne sais où, vraiment. J'ai vraiment aucune idée où on va. Et hey, je sais pas... Ça, c'est vraiment niaiseux, mais à chaque fois, genre, je me perds dans Montréal et que, bah, Why Loft, il y en a plusieurs sur Avenue de Gaspé, fait que, et à chaque fois que je vais dans ce coin-là, je me perds. Fait que, même si c'était pas là pantoute, j'avais l'impression que je m'en allais vers Avenue de Gaspé, mais c'est pas du tout le cas. On est plutôt allé au 6545 Avenue du Rocher. Je spécifie l'adresse, peut-être que pour les amateurs de ce genre musical, ça vous dit quelque chose, peut-être est-ce un lieu marquant, mais autrement, non, c'est très, très peu indiqué. Et même en allant voir l'événement Facebook, il mentionnait passer par le côté. Ouais, c'était... Ouais, ça, tu vois, ça fait déjà un peu comme « Ah, c'est mystérieux! » Et c'était aussi bien populaire parce qu'il y avait visiblement, ou plutôt auditivement, visiblement, là, deux événements. Au premier étage, il y avait un son un peu jazzy. Ça, ouais, ça avait l'air bien intéressant. Et un son tout à fait, ouais, obscur, tout simplement, parce que ça sonnait un peu fond de canne. Il était lointain comme bruit, comme son, comme musique. Alors, on sait pas trop s'il faut être guidé, bon, oui, par le gars de la sécurité, mais aussi par quel événement, là, c'était pas, c'était plus ou moins clair, juste à temps qu'on nous fasse barrer l'accès, fait que non, c'était peu jazzy, notre découverte. Alors, ce que je suis allée voir, c'était Ness Pulses et Ricardo Rocco. Pour être bien franche, je suis surtout allée voir Pulses. Je dis surtout, là, c'était encore une fois, étant donné que j'étais purement dans la découverte, c'est pas parce que j'avais un favori parmi les DJ, mais tout simplement qu'à l'heure où je suis arrivée, ben c'était eux qui jouaient. C'est un duo de Montréal qui font, oui, dans le techno, mais dans le deep doobie acid minimal. Et c'est quand même drôle. La plupart des spectacles en bar commencent tard. Mais là, je savais que j'allais pas être en retard. Tu sais, le show commence à minuit et finit à 7h du matin. Quand je dis drôle, c'est juste que je trouve ça quand même particulier que... dépendamment le genre musical que tu aimes dans la vie, il peut avoir un impact aussi sur le sommeil que tu as. Par exemple, tu es lève-tôt ou que tu es couche-tard, ça a une incidence sur tes fréquentations de crowd, non? Comme j'ai déjà été invitée par le passé à un spectacle de psytrance, puis je suis jamais allée juste parce que je me suis endormie. Je me suis réveillée à 3h du matin. J'ai réalisé que je pouvais vraiment encore aller voir le spectacle. Puis en même temps, quand t'es en pyjama, tu te dis « Est-ce que je vais vraiment sortir de chez nous à 3h du matin pour aller danser? » Ah, ça aurait été une expérience en soi. Et c'est aussi ça comme événement. Oui, l'heure a une incidence, le lieu particulièrement et la musique. Je vous reviens un peu plus longuement sur le sujet. Mais puisque je vous disais que je suis facile à me perdre dès qu'on me parle de grandes bâtisses industrielles qui servent maintenant à des intérêts artistiques, ben écoute, c'est ça. Je me passe sur Avenue de Gaspé, ça n'a pas rapport parce qu'on était plutôt dans Outremont. Alors pour toi, Outremont, ben, je te passe Lord Larry Hodges qui t'a écrit une chanson pour ça qui se retrouve sur Gollywood. J'ai des jeunes broads anorexiques en Prada. Matiques et des jeans, black limousine. antidépresseurs, pills, toutes sortes de couleurs. Ton batteur en moins d'une demi-heure, sont partis remises. Ah, outre mon status, get caught up in a lobby, can broad dreams, c'est le crack que t'as eu. Ah, Axel Rose, leather jacket, les studs et les bottines, et que t'as pas de collier, match la chemise. Ah, sympathie pour le diable, ne serait-ce que pour une danse. Que Dieu ait pitié pour la trempe, bout to lose it all. Les nuits sont longues en hiver à Montréal, jette de l'huile sur le feu, verse ta vodka sur la glace, cigarette à la chaîne, ain't shit change. Whisky à la bouteille, drink away the shame. Les lumières de Saint-Denis brilleront toujours dans mes chaises, mais je veux pas la rédemption, tout ce que j'ai c'est mes péchés. Ah, sur le toit de la ville, street dreams on my mind, on veut la outre. Mon status, the whole city is mine. Creole money millionaire, that James Diamond money, baby living the life. Tu sais que Gullywood shit, c'est encore ça la formule. You know that sex, drugs, rock and roll, fuck the whole world. Tu sais que Gullywood shit, c'est encore ça la formule. You know that sex, drugs, rock and roll, fuck the whole world. C'est l'état de guerre, money, fuck le reste. Obtenir le bread, pour le s'il te plaît. Just put it in my head, let me feel that sweet bruit de billets sous les doigts. Ching-ching, motherfucker, comme c'est toi. Motherfucker, let's get it. On veut les whip roofs, progress sur la poutine. Ambition tellement démesurée, c'est rendu stupid. So tu get Philippe Renaud on the phone, pour les manches, vais lui autographier, j'ai une Larry sur l'écran. Best believe, let me that call, he bought the law. So you better recognize it, cause it's all motherfucker, je suis meilleur. Loud, c'est génie, et justice, c'est crazy. Moi, je tourne some shit d'ailleurs, so just ferme tailleur. Y'aura pas de nomination, juste des félicitations. Puis des Larry, j'people drag this spoiling dans mon camion. J'suis pas de la live, puis j'spit la chevrotine. J'ai rendu que les gars sont plus sur mon dick que leurs copines. Sur le toit de la ville, street dreams on my mind. On veut la outre mon status, the whole city is mine. Creole money millionaire, that James Diamond money, baby living the life. Tu sais que Gullywood shit, c'est encore ça la formule. You know that sex, drugs, rock and roll, fuck the whole world. Gullywood shit, c'est encore ça la formule. You know that sex, drugs, rock and roll, fuck the whole world. I wanna be a star, participer à l'histoire, créer Paris, quoi qui se passe. Catch up dans l'assistance, le monde tasse comme des sardines, y'a pas de place assise à soir. C'est la magie dans le crowd qui fait réagir nos corps. Je vais être massive, je vais être large. J'ai très la piste de mon nord, comme face un hommage à la dis. Parce que jadis, je te le donne. Écris mon autobiographie, fasse le film après que je sois mort. Remplir des salles de cinéma partout en Amérique du Nord. Le samedi soir, les roules de tapis. VIP quand je sors, la classe dans mes habits. Shit, pain and caviar. Ramène le party dans ton town, puis toute la ville arrive à temps. Pour voir le pic, mes arts, tourner l'île bizarre en épisode. Je vais être big, je vais être célèbre, je vais être lit, je vais être sélect. Faire des chiffres comme Selena, Céline, c'est prêt, please. Je t'avertis, y'aura rien d'autre après lui. Je vais être big, juste pour pouvoir dire bitch, je te l'avais dit. Sur le toit de la ville, street dreams on my mind. On veut la outre mon status, the whole city is mine. Creole money millionaire, that James Diamond money, baby living the life. Tu sais que Gullywood shit, c'est encore ça la formule. You know that sex, drugs, rock and roll, fuck the whole world. Gullywood shit, c'est encore ça la formule. You know that sex, drugs, rock and roll, fuck the whole world. Pas de filtre, mais toi tu parles avec ta troupe infime. Manteau que les carabines font. Voir que c'est tout, moi je crève. Suivre comme des marionnettes, t'es si bon. Petit bloc hip-hop avec Lord Larry Hedges et Outremont sur leur album Gullywood. Et vous avez aussi entendu Fella du groupe La Carabine qui se retrouve sur leur album Accord Perdu. Ben oui, qu'est-ce que tu fais là, Jolène? Ben, on s'en va, j'allais dire danser, puis ça va être vraiment pas ça pantoute va se passer dans ce loft pour Pulses. C'est vraiment une question d'ambiance. Et je crois que c'est quelque chose de bien fort et particulier, je pense, de la musique électrique. Trop dans le sens où j'aime beaucoup parler de salle de spectacle, oui, de la crowd, évidemment, là, oui, du genre musical, mais c'est fou comment là, ça formait un tout, tout allait ensemble. Ça aurait pas été dans le même lieu, avec le même éclairage, à même heure. Ah non, ça aurait fait complètement une différence sur l'expérience. Je vous repasse un petit extrait pour ça avec la chanson. Chanson, qu'il n'y a pas de parole, tu peux pas appeler ça une chanson. Bref, pour ça, on va écouter ça sur les ondes de CISM. J'espère que vous avez apprécié le moment, chers auditeurs. Et là, j'ai pas encore décrit ce fameux lieu. Et c'est... c'est probablement juste dû au fait que je voyais rien. c'est ridicule comment il faisait noir. Il faisait noir, noir, noir. Je pense que les murs étaient blancs. Mais il faisait tellement noir que... Ouais, je sais plus, c'est pas clair. Beaucoup de filages, des graffitis. Peut-être que les graffitis étaient blancs et que les murs étaient noirs. D'où le fait que certains aspects... Oui, qui donnent la bonne atmosphère d'un loft un peu creep. ressortaient. Puis en même temps, on voyait rien. Tu sais, il y avait des poufs ou des meubles. Là, tu vois, j'ai des doutes sur quoi je me suis assis, genre. Mais c'était pas clair parce qu'on voyait rien. Mais vraiment, comme l'expression « un noir comme chez le loup », à pas à peu près, je te le dis. Mais ça, je crois que ça aide beaucoup à être plus immersif dans l'expérience, dans la musique. Ça fonctionnait. Et il y avait beaucoup de... Oui, il y avait aussi un VJ, puis il y avait beaucoup de jeux d'éclairage. Fait que dans un certain sens, tu peux te sentir aussi au Laser Quest. Fait que peut-être que tu étais nostalgique de ton enfance si tu y étais. Si tu y étais, parce qu'on n'était pas nombreux. En même temps, comme j'ai dit, hein, c'était jusqu'à 7h le matin, fait que il était tôt. Il était à peu près 1h du matin quand je suis allée. Fait que ouais, pas beaucoup de monde. Et en même temps, oui, la musique a quelque chose de froid et... Non, dans la crowd, il se passe pas grand chose parce que ça se passe pas de même. C'est très solitaire, c'est très ça. Je voudrais pas tomber dans introspectif. Je pense que c'est plus filer le moment. Là, t'es pas en train de penser à tes grands malheurs existentiels. Là, t'es plus comme tu sais dans le moment présent, mais pas tant à le partager avec d'autres gens de la foule. Et les danses sont pas très extravagantes non plus. Oui, certains vont être plus animés que d'autres, mais de façon générale. De légers mouvements. Peut-être que je n'aurais pas été la seule ce soir-là. C'est aussi parce qu'il faisait frette. Qui sait qui a parti le ventilateur? Là, on est rendu l'automne, là, mais pas à peu près. Là. Il fait frette, fait frette. Fait que j'étais complètement en train de congeler. Et, ben, mon ami, dans la vie, il n'y a pas de foulard. Fait que il traîne toujours une couverture en guise de foulard. Fait que moi, à la place, j'étais là avec une doudou, littéralement comme recouverte sur la piste de danse en train de danser. Et ça, c'est vraiment personnel, mais c'est le moment où je me suis sentie en camping. Parce que quand tu traînes dans la vie avec une doudou, là, puis tu fais « Oh, je me promène! » Il n'y a pas tant d'occasions urbaines pour vivre avec sa doudou comme ça en public. Mais cette fois-ci, oui, puis je le remercie finalement parce que faisait froid. Comment les autres faisaient? Ouais, je crois aussi que le fait qu'on bouge pas beaucoup, ouais, était un petit peu dû à la température. Parce que, ouais, d'autres, ça les dérangeait pas du tout. Comme le gars, quoi, tu vois, c'était des mitaines, mais il dansait beaucoup, mais avec des mitaines. Fait que ça réchauffait. Et c'était pas n'importe quel genre de mitaines, là. C'était des mitaines avec de la fibre optique. Ah, ça, c'était malade. Parce qu'en plus des effets de lumière, lui, sa danse faisait de l'éclairage. On pouvait avoir une certaine fixation sur ces mitaines. C'était hypnotisant. Ouais, ouais. Aussi, dans le fait de fixer, on était tous devant le DJ. La même chose qu'on ferait avec un groupe de musique qui joue sur scène, effectivement. Ce que je trouve toujours un peu drôle, c'est qu'on voit pas tant les technicalités, tu sais. On voit pas, tu sais, ils sont devant leur ordi, les mouvements sont plus petits. On n'est pas devant, je sais pas, quelqu'un qui fait un solo. Si tu aimes l'aspect de la dextérité de l'artiste, ben oui, tu vas plus le remarquer que là qui pitonne. C'est minuscule comme mouvement, c'est tout petit, tout petit. Mais si tu es assez proche, comme l'était un des garçons dans la foule, les bras croisés, puis il fixait. Ah, il fixait. Il était vraiment concentré à voir comment ça fonctionnait, la patente. Il était concentré. Il bougeait pas. Non. Mais en même temps, ça paraissait pas tant étrange, étant donné tout l'espacement qu'il y avait entre les gens de la foule, le fait que c'était pas la grosse euphorie. Et de toute façon, musicalement, je pense que ça aurait pas tant apporté à ça. Oh, fait particulier, j'ai beaucoup mentionné le fait que je savais pas trop si c'était légal ou non. Parce que, premièrement, il y avait du monde qui fumait en dedans. Et, je suis assez jeune pour ne pas avoir connu l'époque où les gens fumaient dans les bars. Fait que je me sentais en 98 pour aucune raison valable. J'étais comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, c'est comme un gardien de sécurité qui passait. C'était pas classe, il leur disait de pas fumer ou... J'ai pas compris leur dialogue fumant. Du coup, c'est trop, le gardien, il les a pas convaincus d'arrêter. Et, dernier point, et ce sera le point... négatif. Oh mon Dieu, je dis des choses pas fines. Mais ouais, c'était un dommage dans ma soirée. On sort dehors, puis on revient à l'intérieur parce que, ouais, il y a des gens qui fument aussi à l'extérieur. Et la fille qui était à l'entrée, elle n'était plus la même. Pouf! Elle est nouvelle! Et elle nous reconnaît pas, bien évidemment. Mais surtout, elle dit, montrez-moi votre bracelet. Elle dit, c'est pas le bon. Elle dit, c'est pas la bonne couleur. Allez-vous-en! Vous êtes des tricheurs! Partez! Elle était vraiment en train de péter une coche solide, là. Ça avait aucun sens. Elle était, disparaissez! Elle était vraiment intense pour que je considère quelqu'un d'intense. Je te le dis. Elle l'était. Et moi, je suis juste comme, ben, on va retourner se coucher, là. C'est correct. Notre soirée est finie. Ça va. Attends, ben, c'est vrai que c'est un peu choquant. Pourquoi elle nous trosse pas à ce point-là? On a payé. C'est le bon bracelet. Et il aura fallu comme un bon 3 minutes d'ostinage et que quelqu'un amène une lampe de poche. Oui, il faisait noir à ce point-là. Il faisait un noir tellement que ça changeait de couleur. Fait que, ouais, devant cette absurdité, je me suis dit, ouais. C'est sûr que dans un show un peu plus organisé, je crois pas que c'est le genre de choses qui nous serait arrivé et qui donne, une conclusion un peu triste à cet événement qui était fort intéressant pour tous ces aspects esthétiques. On va continuer en musique avec une chanson. Xara Dion, il me semble que je la verrais dans un lieu comme celui-là. Moi, je l'ai vu à la Casa, si je me trompe pas. Et oui, il faisait exactement le même sombre, le même noir dans la salle, mais dans un lieu un peu plus atypique. Je crois que ça doit vraiment donner un plus. Et la chanson s'appelle Asphalte chaude. Et ouais, je trouve vraiment que ça correspond à l'ambiance. Chaud, fret, asphalte, béton, tout ça en même temps. L'asphalte chaude de Xara Dion sur les ondes de CISM, le 89.3 FM. Vous écoutez toujours Critique de Crowd, Tambour et Guérilla Poubelle, après les publicités, toute une critique de Crowd. Et puis, je vais même te parler de Beauce Carnaval, je te le jure. Tout ça, à tantôt. Le Festival Spasme fête sa 15e édition du 20 au 29 octobre. 11 événements éclectiques pour les amateurs de cinéma de genre et de tout film insolite. Ponctués de numéros d'humoristes, de drag queens et de sketchs divers, nos soirées cabaret vous feront vivre une expérience cinématographique unique à Montréal. À ne pas manquer, les Inclassables au Théâtre Plaza, le cabaret Trash avec les Pic-Bois, le spécial Sexe au Café Cléopâtre, Total Crap 12, le 35e anniversaire du film culte Evil Dead et en clôture le fameux party d'Halloween Old School. La 15e édition du Festival Spasme du 20 au 29 octobre. Pour la programmation complète, consultez spasme.ca. Salut les sportifs! L'Abreuvoir est fier de vous présenter tous les matchs des Canadiens avec nos soirées de hockey, les soirées lancées Kunta! Avec en plus un tout nouveau menu pour les fins palais, le retour de nos fameuses ailes de poulet, 10 ailes pour 5$, des pichets de bière à 12,75$, des entractes animés par nul autre que moi-même, Michel Kunta, prix à gagner, shooters gratuits, bière gratuite. Écoutez, que la saison aille bien ou qu'elle aille mal, ne vous inquiétez pas, parce que L'Abreuvoir et moi, on sera toujours là avec nos soirée de hockey. C'est un rendez-vous! L'Abreuvoir, bar et terrasse, 403 rue Ontario-Est à Montréal. Cette semaine, dans votre quartier libre, comprenez l'expression culture du viol, les ressources disponibles sur le campus ou encore le profil d'un agresseur. Et découvrez une nouvelle exposition sur le patrimoine du Pérou. Visitez notre site internet quartierlibre.ca et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Quartier Libre, au cœur des préoccupations étudiantes. De retour à Montréal, The Lumineers, la tournée mondiale Cleopatra pour la promotion de leur tout nouvel album Cleopatra en vente dès maintenant. Avec invités spéciaux Kaleo and Suto, le samedi 18 mars au Centre Bell. The Lumineers. Billets en vente le vendredi 28 octobre à 10h. 1-855-310-2525 ou via evenco.ca. Il y a plus de 70 ans, l'explosion des bombes sur Hiroshima et Nagasaki signalait notre entrée dans l'ère de l'énergie nucléaire. Le vendredi 4 novembre à la Vitrola, venez constater l'ampleur du potentiel atomique lors d'un visionnement bénéfice du documentaire Atomic Living in Dread and Promise. Réalisé par Marc Cousin, sous commande de la BBC, ce montage d'images d'archives dévastatrices, soutenu par une bande sonore hypnotisante conçue spécialement par Mogwai, dresse un puissant portrait de notre ère. Les recettes de la soirée iront à la Fondation War Child Canada, un organisme qui soutient les enfants en zone de guerre. Organisé par le Bureau de poste et CISM 89.3 FM, Atomic Living in Dread and Promise, avec première partie musicale par Charles Watt. Au 13 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Karim Ouellette, Les Goules, Dalton Telegram, Laurence Lerbonne, Fudge, Saratoga, Violette Pie, Pontex, Cliché, Samito, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Reanimator reprend la chanson de Grimmskunk, lâchez vos drapeaux. Vous écoutez Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Et cette chanson que vous venez d'entendre se retrouve sur une compilation qui me fait quand même beaucoup rire. C'est Joliette chante Montréal. Alors, des artistes de Joliette qui chantent des chansons en hommage de Montréal. Il y a même, mon Dieu, il y a même le poète Jean-Paul Daou qui jase aussi de Montréal sur l'album. Vous pouvez aller le télécharger gratuitement sur les internets et particulièrement les internets de Bandcamp. Fait que allez-y gaiement, c'est gratis. Sinon, hey, bon, on peut pas voir, ben, en tout cas, je sais pas si tu vas voir bientôt Reanimator, mais j'ai tout plein d'autres suggestions pour toi, chers éditeurs, chers crowd, et on en manque pas pour les prochains jours. Ce jeudi, si tu es bien punk rock, Fortune Cookie Club, Jock, Les Vidangeurs et La Cavale, que je t'ai parlé la semaine dernière, joue à l'ESCO. Sinon, il y a vraiment trop de contenu comme ce soir, là, je capote un peu. Il y a le lancement de Double Date with Death au Sound Central. Ça, c'est un 5 à 7, fait que c'est quand même pas pire. Ensuite de ça, il y a le lancement déguisé de Chiasma à la Casa del Popolo. Ça, c'est quand même, ça demande de la gestion, là, parce qu'il faut se déguiser puis ça fit avec l'ambiance. Ensuite de ça, il y a Tega et d'autres DJ. Oui, oui, mais lui, il joue vers minuit au théâtre Berry. Et je pense que c'est une grosse mise en scène. Ça devrait être assez incroyable. Vendredi, Je capote. Je capote vraiment beaucoup parce que c'est deux groupes que j'adore et je n'ai toujours pas vu en spectacle, Mardi Noir et de Sangomas. Ah! Je suis vraiment excitée! Mais je suis moins excitée pour la thématique parce que c'est après-ski, puis il faut tout être habillé en fluo. Ah! Trop d'Halloween égale beaucoup trop de gestion de costumes. Ça finit plus. Et sinon, il y aura aussi Afre que je ne connais pas mais que je vais découvrir et le tout se passe à l'ESCO. Samedi! Je suis bien triste de ne pas pouvoir voir Trash Talk qui joue au Matari Loft. Ils seront avec Depp Wine et Black Noise. Mais je serai, moi, au Party Spasme. Ben oui, alors Théâtre Plaza, si tu pognes une femme à barbe, ça se peut que ça soit moi. Dimanche, prends ça tranquille, beau 5 à 7 des plugs, les traditionnels 5 à 7 des plugs du Quai des Brumes avec, cette fois-ci, Laurence Anne. Lundi, ben écoute, c'est l'Halloween, fait que aide un enfant à traverser la rue et à avoir des bonbons, c'est agréable. Et si t'habites dans Hochelaga, ben, oh mon Dieu, sur la rue Cuvillier, il y a la maison d'horreur la plus incroyable au monde. Fait que ça vaut vraiment la peine que tu ailles faire un tour d'ici le 31. C'est beau. Il y a de l'amour là-dedans. Il y a de l'artisanat, de la confection. C'est assez incroyable. Sinon, mardi, si tu es un amateur de néo-prog, Marillion joue au Théâtre Corona. Mercredi, c'est le lancement d'album de Louis-Philippe Gingras à la Sala Rosa. Puis gardons ça! Il est aussi au palmarès franco de CISM, 10e position avec la chanson Tic Géant. On écoute ça tout de suite. T'as des yeux en light bright, t'as des jeans pas pire tight, une belle frange de Lego, t'as un smile qui passe go, des black lights dans tes yeux, pis c'est cool, t'en as deux. C'est-tu moi qui les allume? Tu sens bon quand tu te fais mal, mais tu travailles au Tic Géant. Bébé, dis-moi comment te présenter à mes parents. Faire des enfants pour les amener gaiement. Les amener au Tic Géant, deux cœurs pour le prix d'une artère. Mr. Freeze, Frozen Peas, pis des bracelets, des signes de peace, des crocs, des brosses à cheveux, des lighters de fée.

de sa mère, d'Innispool et de tout mon peuple qui s'écroule. J'en ai plein mon jazz de la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein mon jazz. Émile Bilodeau sur les ondes de la marge. Vous avez entendu la position numéro 9 du palmarès franco. C'est J'en ai plein mon casse qui se retrouve sur son album Rite de passage. Et vous avez aussi entendu Louis-Philippe Gingras avec la chanson Tic géant sur son album Troisième rangée. Et pour toutes les autres chansons, c'est ism893.ca. Hey! C'est encore Critique de Crowd. Et c'est vraiment une grosse soirée hier. Et une grosse soirée... C'est quand je parle peu d'événements crowdiens politiques parce qu'émotivement, ça vient tout le temps beaucoup trop me chercher. Fait que j'ai arrêté de le faire à l'émission parce que sinon, ça me prenait trop de temps à m'en remettre. Reste que hier soir, pour une de ces fois que je suis de bonne heure chez nous, plutôt à 6 heures chez nous, et que j'écoute le téléjournal et que je vois toutes ces manifestations stop à la culture du viol qui se passe à Saguenay, à Gatineau, à Québec et à Montréal. Oui, en tant que critique de crowd, je sais que il y a une différence dans la crowd entre la quantité et la qualité, mais je crois aussi en la force du nombre, encore et oui. Alors, j'ai décidé d'en prendre part parce que, aussi, ben, c'était de bonne heure, fait que, je peux aller voir des spectacles et me joindre à la cause. Alors, c'est avec 2000 autres personnes que nous avons marché sur les rues de Montréal. Une marche tout à fait tranquille. Peu de grands, ouais, de paroles scandées. C'était très calme. Et avant, il y avait prise de parole au parc Émilie-Gamelin. Ça s'est terminé de façon quand même assez originale pour une manifestation. Grand cercle humain, main dans la main, des chants autochtones, des danses par la suite. Ouais, c'était une conclusion, ouais, unique pour ma part. J'avais jamais vu ça en manifestation de terminer, oui, sous une forme artistique et rassembleur. Ouais, c'était bien, bien intéressant, bien particulier. Le moment où Critique de Crowd a très peu rapport, c'est que je peux pas faire une critique d'une foule qui qui manifeste. C'est plutôt, comme vous voyez, plutôt un compte-rendu. Mais inévitablement, pour ma part, ça teintait mes critiques. Puisque à Tambour, avec la douceur de la musique, oui, en ressortait aussi la douceur des gens qui, oui, portent attention à leurs amis, à leur couple, des petits gestes qui sont tout rempli de douceur, de tendresse. Et ça a aussi marqué tous les micros entre les chansons, puisque le chanteur de Guerre la poubelle, Till, prend beaucoup parole, essaye beaucoup de conscientiser son public. Alors, ça témoignait encore plus comment c'était tout à fait... En cohésion, vraiment, il était d'actualité. Ça se marquait encore plus avec les événements de la journée même. Et aussi parce que Critique de Crowd, ben, elle vit en société. Je t'annonce ça, cher auditeur. Ah! Tu t'en sors pas. On s'en sort pas de la société. Tu sais, tu nais, t'es en société. Si tu veux t'en sortir, ben, peut-être que tu peux trouver une île déserte. Puis même là, elle a sûrement été achetée par quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent. Fait que non, tu t'en sors pas. La crowd en spectacle, c'est une micro-société. Alors, tout notre bagage humain, on le transporte aussi en spectacle, même si en musique, c'est hyper codifié, surtout comme le punk rock avec le trash, les mosh pits. On s'énerve, puis en même temps, il y a énormément de respect. Oui, parfois, et j'en parle aussi en ondes, quand des fois, oui, il peut avoir des mains baladeuses. Non! Et oui, il peut y avoir ouais, des moments qu'on ne souhaite pas en foule. Et ça, c'est homme-femme. Je crois que le mot d'honneur sera toujours respect. Et oui, respect. Alors, pour continuer un peu dans cette thématique, ce sont de belles femmes et elles chantent « Charogne » avec leur ironie dans ta face avec la chanson « Féministe frustrée ». Vous allez aussi entendre « Nouchou » avec la nouvelle chanson « Pommade cool fusain ». Rigide, fragile, comptable. Nouchou avec la nouvelle chanson. Pas mal de Cool Fusain. Je dis nouvelle chanson parce qu'elle est sortie sur une compilation et je vous le suggère, je vais vous la partager sur Facebook, tout simplement. Et sinon, ben oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd. Et ben j'arrive très bien à la Sala Rosa pour ce spectacle qui, oui, est probablement unique ou unique avec un S, là, peut-être que ça va revenir, mais c'est le projet Tambour qui est un projet instrumental et cette fois-ci, c'était tout à fait particulier puisque c'était avec pleine orchestration et oui, amener autant de gens, ben, c'est quand même plutôt rare. Alors, violon, violoncelle, cor français, clarinette, synthétiseur, vibraphone, piano, tout ça en plein centre. Oh, en passant, un tambour, c'est le projet de Simon Piché-Castonguay. Alors, c'est vraiment... C'est minimaliste, c'est néoclassique et surtout, ben, on pourra en écouter drette là, tu sais, tant qu'en en jaser, hein, avec tes oreilles, ça va être bien plus agréable. C'est plutôt ingrat de vous laisser un extrait puisque les chansons durent au minimum 5 minutes et non, là, on n'a pas vu tout l'éventail de tous les instruments, mais oui, le piano prend énormément de place dans la musique et donc aussi durant la prestation. Et vous aurez bien constaté aussi comment... oui, l'aspect bien enchanteur, c'est à la fois lumineux et mélancolique, c'est... doux. Moi, il me semble que c'est le mot de la soirée. Tout avait l'air doux. Il me semble que la Sala Rosa, c'est la première fois que je la voyais installée... mon Dieu, pas installée sur scène. Tous les instruments étaient vraiment au parterre. Les tables et les chaises autour, vraiment un 360. Alors, j'ai vu différemment la Sala avec tout son velours. Ben oui, je veux dire, des rideaux en velours, c'est pas très original dans un théâtre, là, bien évidemment. Mais là, ça mettait encore plus le cachet doux. Ah, tout était doux, tout était délicat, tout était bien, bien attentif. Ben oui, c'est sûr que dans la crowd, ça va être assez tranquille. C'était très crowded aussi. Alors, des gens vraiment partout. Et quand je dis partout, justement, il y en avait sur scène. Et d'habitude, j'ai tendance à, ouais, justement, prendre la place où le spectateur n'a pas le droit d'y être habituellement. Mais là, je crois que avoir autant de musiciens, je me suis dit tout d'un coup qu'il y a une chorale. Alors, j'étais comme pas certaine. il y avait l'air à l'air à faire. Ah ouais, des spectateurs qui ont l'air professionnels. Mais ouais, bref, je suis pas montée sur scène tout simplement parce que j'y ai cru. Mais non, c'était une fausse chorale. C'était tout simplement des spectateurs. Mais quoi qu'après ça, tout le monde avait une certaine part à être en 360. Un éclairage aussi qui était ouais un peu diffus. Alors, on voyait bien les spectateurs. Fait que c'était pas le temps de trop bailler ou de, ouais, je sais pas moi, faire de quoi de bizarre avec ta face. Parce qu'on allait toutes l'embarquer. Et oui. Parlant d'éclairage, c'était vraiment très coquin. Ça donnait beaucoup d'atmosphère. La variété, il y avait comme des lampes de chevet, des lampions, des globes accrochés un peu partout. Quand je dis voir la Sala différemment, il y avait ça aussi. Comme les spots ne servent pas, puis ils servent à accrocher d'autres lumières. Ça, c'était un silence. Ouais, pas mal comme la foule. J'ai déjà vu des événements plus silencieux. Faut quand même le dire, le plancher grince, bouge moindrement, on le sent. Mais, les petites gaffes, appelons-les ainsi, les petites gaffes de crowd paraît toujours un peu plus fort dans ce temps-là. Surtout quand c'est plus fort comme bruit que la musique. Et vous aurez bien constaté, ouais, c'est doux, c'est délicat. Ça va pas, ça va pas comme jouer comme un ampli. Fuck, je sais pas c'est qui, dès la première chanson qui a échappé quelque chose, mais ça fait un énorme POC! POC! TikTok. Ben, oui, je crois que quelques-uns, tout comme moi, ont détourné du regard. Fait que voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça fait pas partie de la toune. New, tout comme à la toute fin. Ah, le pire, c'est que la sonnerie de ton téléphone, toi, personne qui ne l'a pas éteinte, fitait quasiment avec la musique, parce que, ouais, ça aurait pu être vraiment plus dissonant. Mais autrement, c'est drôle comment, justement, pour une pièce de théâtre, on va le mentionner, éteignez vos téléphones cellulaires, mais j'ai l'impression que des genres musicaux, même si c'est dans des salles de spectacle où on peut accueillir ouais, du rock, du pop, peu importe, devrait quand même le spécifier. Hey, en passant, ça se peut que ça scrape vraiment l'ambiance si ta mère t'appelle. Je le pense. Moi, sérieux, là, j'étais prête à gager de l'argent. Je savais que ça allait arriver un moment ou l'autre dans la soirée. Trop de calme, trop de salles où, justement, d'habitude, on parle fort, on boit de la bière. Non, ça se passera pas. C'est les seuls bémols, disons, dans la crowd, parce que sinon, elle est attentive et elle applaudit très généreusement et elle rit beaucoup, parce qu'on va se le dire, ah, mon Dieu, ah. Le pianiste est, ah, mon Dieu, d'une simplicité, comme dans ses paroles, ça m'a comme surprise, tu vois, j'en manque mes mots, je sais plus comment le dire, tu sais, c'est sérieux, la musique, c'est on est emporté, on est concentré, et après ça, lui, il présente ses chansons comme un show rock, il est comme, ah ouais, salut tout le monde, j'ai oublié mon setlist, fait que j'aimerais se retrouver la feuille, ah, c'était déstabilisant, c'était tellement une confrontation entre le genre musical, ce que ça nous apportait comme spectateurs, puis le clash entre, oui, c'est, ouais, cette simplicité-là d'être tout simplement soi-même et sans flaf là dans son langage. Puis quand même, je sais pas si, ouais, c'est ça qui a amené cette espèce de franche camaraderie pour que les gens rient aussi généreusement et fort. Tu sais, on n'était pas un show d'humour, là, mais tu sais, des petites blagounettes là, entre des tounes, là. Il marchait au bout, même qu'il y a un morceau qui a mal commencé, fait qu'ils ont décidé de le recommencer. Puis c'était juste comme, OK, non, on le recommence. Puis tout le monde, ouais, l'a bien accueilli là-dedans. Puis justement, j'ai vraiment l'impression que c'est à cause du genre musical que pour moi, j'ai dit, voyons, c'est bien bizarre. Puis en même temps, le naturel venait, ah oui, rajouter un plus. On était complices. Et avec la proximité, le fait qu'on soit vraiment entouré, le groupe, je crois que ça pouvait, moi, le permettre un peu que s'il avait été sur scène, ah, la façon aussi officielle d'être sur un stage aurait pas pu permettre ça. Ouais, c'est fou, mais ça oblige une certaine forme de prestance puis d'affirmation en tant qu'artiste. Tandis que là, ouais, on était un peu plus ouais, soi-même. J'ai trouvé ça bien, bien beau. Dans la foule, non, oui, l'écoute, quelques yeux fermés là-dessus, écoute, quand t'es assis sur une chaise, je peux pas t'en faire des critiques longues, là. Quoique, il y avait, oui, du monde qui, des fois, mettait son épaule sur la personne à côté qu'il était avec. Et il y avait... Ça, c'est vraiment juste mon point de vue à moi, parce que de l'angle où j'étais, il y avait deux filles qui avaient l'air d'une femme à deux têtes. Ben oui, mais la façon qu'ils étaient collés, ça... l'illusion était vraiment parfaite. Et il y a eu un entrant qui, à la deuxième partie, ils sont montés sur scène, là où il y avait, oui, la fausse chorale, qui, finalement, bon, il était des très bons spectateurs. Et même que c'est à cet endroit-là qu'il y a eu une certaine forme de persimmon. Ouais, ils se sont permis de danser un peu vagueux, un peu petit move d'avoyenne des mains et des bras. J'ai trouvé ça beau parce qu'ils étaient quasiment cachés. C'était facile de pas tant les observer. Fait sûrement que ouais, il y avait envie, il y avait vraiment un sentiment d'amusement là. On le voyait déjà hawaïen, c'est un peu rigolo. Mais ouais, de se le permettre tandis que tout le monde est plutôt dans une ambiance pratiquement de recueillement. T'sais, assis. Poser, à l'écoute, tout simplement. Fait que, ouais, j'ai trouvé ça bien beau. Mais félicitations, ouais, femme à deux têtes. Alors, on va continuer en musique avec... Ah, là, ça, c'est moué, là. Parce que Tambour et Tambour, c'est le nom de l'album de deux pouilles en cavale avec la chanson... Ouais, mais là, c'est pas pendant tout le même genre musical, Jolene. Ouais, je le sais, j'aime ça faire les thématiques. Je me le poche parce qu'on fait n'importe quoi. Deux pouilles en cavale, deux pouilles en cavale avec la chanson « Wamela » de leur album « Tambour et temps mort ». Et non, dans ma soirée, c'est plutôt l'inverse, il n'y a pas tant de temps mort. Je sors de la salle, puis là, je me dis « Oh mon Dieu, il est 11h ». Il était comme 11h moins 10, je me suis dit « Ah! Je veux au moins entendre une couple de tunes de Guérilla Poubelle ». Il le faut, il le faut. Et là, je suis comme à Saint-Laurent, Saint-Joseph, puis tout ce que j'espère, il y a beaucoup trop. Il me dit, il y a beaucoup trop de circulation, je pogne pas un taxi, puis c'était l'inverse, c'était comme trop compliqué, je pouvais pas me mettre au centre non plus, là, ça aurait été juste dangereux. Fait que pendant que je suis en train de désespérer sur mon manque de rapidité, je croise de la crowd. Je dis de la crowd parce que c'est ces gens que je rencontre et que je retrouve qu'en spectacle, que Calesco... Et oui, j'ai fait comme « Hey, allô Nicolas! » J'étais toute énervée, j'étais comme « C'est bien drôle de te voir, hein? C'est bien le fun! » Surtout, c'est bien le fun parce que ça, c'est une parenthèse. Puis c'est vraiment une parenthèse Jolène Ruet. Moi, je me fais parler de mon rire, surtout à cause de la radio. Ça a l'air que j'ai un rire particulier. Mais Nicolas, c'est comme le rire le plus incroyable au monde. C'est comme « Ah! » Non, c'est même pas. Je l'imite immensément mal. C'est le meilleur rire d'homme au monde. Tu sais, c'est grave, mais c'est grave, puis c'est mal, puis en même temps, il y a quelque chose de candide. Tu sais, il rit toujours comme généreusement, puis franchement, c'est... Oh! Il faut absolument que vous le fassiez rire. C'est le genre de personne dans la vie que tu veux juste y compter des blagues juste pour entendre son rire. Ce genre de rire-là. Fait que bref, pendant que je compte des jokes, évidemment, là, j'y vais, hey, ben viens avec moi, Guérilla Poubelle, viens-t'en, viens-t'en, ça va être drôle, viens-t'en. Et il me dit, non, je suis à casa, je suis en train de voir Violent End. Et non, il mentionne pas le groupe au moment même, il me dit plutôt, j'écoute de la musique méchante. Là, j'avoue, c'est pas le bout le plus méchant de leur tune. Bref, il y avait une grosse soirée Power Violence à Casa. J'étais déjà étonnée qu'il y ait ce genre de groupe-là qui passe à Casa. Mais le fait d'avoir croisé de la crowd en chemin m'a permis de découvrir de nouveaux groupes. Ça, j'aime ça comme moment. Fait que bref, j'ai amené personne avec moi. Du chaud de Guérilla Poubelle, mais j'ai découvert des groupes entre-temps. Ça a bien terminé ma soirée d'aller écouter ça sur les internets. Fait que je vous le suggère aussi. Vile Intent. Mais nous autres, on va continuer en musique avec Athéna. J'ai dit elle comme la déesse, évidemment. Mais Athéna, qui était en première partie de Guérilla Poubelle. Et ben comme de fait, là, je peux pas être partout en même temps. Fait que non, je ne les ai pas vus. Hélas, mais on va en écouter. Même si je te retrouve en bas du pont, we Athéna avec la chanson Pour un tour dans les draps sur leur album Mononucléose. Ils critiquent The Crowd. Oui, se dépêche. Et n'a jamais été aussi fier d'arriver pile au début de la performance de Guérilla Poubelle. J'arrive après le début de la moitié de la chanson, là. Non, ça commençait, boum, direct quand je suis arrivée. Être fière, là, c'est niaiseux, mais oui, le timing aurait pu jouer contre moi. Ou, ouais, les retards des groupes, il y en a d'autres qui s'ajoutent. Mais, ouais, j'étais fort heureuse que l'horloge était à mon avantage. Je dis Guérilla Poubelle, parce que, chers habitués de la station de CISM, surtout de Critique de Crowd, ben t'auras remarqué que depuis que j'anime à CISM, ben je les ai vus pas mal à chaque année. Parce que depuis leur dernier album, ben ils reviennent tout le temps. Fait que je les ai vus autant au Catacombe, à l'ESCO, au Petit Campus, au Piranha Bar, avant les rénovations. Alors, je peux déjà te confirmer, la tendance se maintient, c'est toujours un bon spectacle. C'est fou, je suis arrivée dès le début, c'était intense. C'est incroyable comment les gens, aiment le groupe, mais comment ils sont sur le party, disons-le ainsi. Et j'arrive bien tranquillement, et quand je dis qu'il y a de l'ambiance partout, il me semble qu'il y avait une fille, tu sais, pas debout sur le bord, ni debout comme sur son siège, là, mais tout simplement comme plus élevée que les autres, qui était comme « Yeah! » Un peu cowgirl, comme « Yes, sir! » Je veux dire, yes, tout le monde est de bonne humeur, même ceux qui sont pas encore dans le trash. Ben, le trash est vraiment, vraiment constant à chaque chanson, ou presque, il y en a une. Je pense que c'est parce que les gens chantaient, fait que pour chanter, ben, il faut du souffle, fait que si tu trash en plus, c'était un peu compliqué. Fait que, ouais, pour mieux scander les paroles, il y a eu une certaine pause sur le trash, mais ce sera pratiquement le seul moment. Et d'apparence, ce qui est bien particulier, c'est que il a l'air, ça a l'air gros. Il me semble qu'il y a gros de mouvements, ça a l'air un peu même violent, c'est intense. Tandis qu'inversement, je trouve que c'est un des meilleurs trash que tu peux avoir. Tu rentres dedans, là, puis ouais, c'est sûr que t'es un peu coude, là, t'sais, t'es coude. Tu sais, tu veux pas foncer ou tu veux pas donner des coups, coude pointu, fais attention. Mais tu sais, tu veux pas vraiment être violent avec les gens, c'est plutôt d'être tassé. Puis oui, il y a certaines folies, il y en a qui ont des mouvements un peu plus originaux que d'autres, mais c'est très simple, très amusant même d'être dans un trash de Guérilla Poubelle. Et là, c'est le moment où je me disais, je trouve pas la bonne comparaison. Mais me semble qu'il y a quelque chose de simple, c'est efficace. Tu fais juste foncer dans le monde, pas méchamment, mais tu sais, comme juste tu sais, avec l'intensité. Et ça m'a fait retomber en enfance. C'est pour tous ceux qui viennent de Montréal et qui ne sont jamais aller à Beauce Carnaval, tu ne comprendras pas mon référent, et je te dis, tu as manqué ton enfance, parce que Beauce Carnaval, là, faut y aller au moins une fois dans sa vie de sa jeunesse, manger de la barbe à papa, et voir les petits animaux! Ceci étant dit, dans la section pour manège pour enfants, il y a le fameux Raiders. Et là, non, je ne me rappelais pas du nom comme ça par cœur dans ma tête. J'ai fait des vraies recherches sur le site de Beauce Carnaval. Oui, oui, tous leurs manèges sont répertoriés sur leur site. Et le Raiders, c'est comme un gros manège que, non, c'est pas électrique. C'est toi, en tant qu'enfant, qui va marcher là, sur de la corde. Il y a des rampes. Et il y a une grosse section, direct à rentrer, de gros punching bags. T'as 7 ans. Tu es minuscule par rapport à ces énormes punching bags colorés. Puis l'objectif, c'est que tu passes au travers. Tu as deux solutions. La première, c'est de te faufiler. Puis le deuxième, c'est que tu fonces dans le tas! Je crois que mon amour des trash vient en partie de ma technique acquise dans le Riders. Ouais! Tu fonces dans le tas, t'es comme, Shalane, t'es capable, fonce! C'est pas compliqué, tu sais, ça reste d'amour. Oui, ils sont lourds, comme des gros gars bâtis. Ben ouais, ça marche. C'est drôle, c'est amusant, c'est défoulant, et ça fait de tort à personne. C'est exactement ça, les trash de Guérilla Poubelle. Tu sais, il y avait du monde, quand j'ai un peu trop sur le party, ouais, tu sais, il y avait du monde qui avait un peu trop bu, là, fait que oui, ça tombe davantage. Beaucoup de, ah, tu sais, les chutes! vite. Mais ça, déjà, ça se fait très efficacement. Les gens entourent, les naufragés sont tellement perdus. Ah! Que oui, tu sais, déjà, on voit que les gens sont vaillants pour la foule, mais aussi... tu sais, il y a une aisance dans le mouvement. C'est tellement pas compliqué. Et c'est surtout calorifique. Ça a l'air con, hein, dit de même. Mais, tu sais, un trash, là, que t'as chaud du cuir chevelu. Ah! Mais ça, il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans, là. Ah, ça sent le méchant, là. T'as eu chaud de la tête. Fait que... c'est tout ça en même temps que tu vis chanson après chanson durant Guérilla. Ouais, quelque chose de bien satisfaisant et rassembleur. Ça parle beaucoup de communauté entre les micros du chanteur Till. Là, je vous en parle. On est dans le punk rock français. Puis, si tu n'es pas un amateur, peut-être que tu as envie d'en écouter. C'est ce qu'on va faire à l'instant. La tournée était pour présenter ce EP Inferno. C'est 4 chansons. Alors, on va en écouter une. C'est La place du mort. Guérilla Poubelle, La place du mort. Vous écoutez toujours CISM. Vous écoutez toujours Critique de Crowd qui s'emballe pour des trash. Et en même temps, ils sont tellement nombreux, les stage dives aussi. C'était quand même assez fou. Et vu que le spectacle se passait au Ritz PDB, la scène est plutôt basse. Fait que le stage dive est vraiment accessible pour tous parce que ça demande pas trop de swing monté sur scène. Et aussi l'accessibilité parce que c'est simple de... juste comme se laisser aller dans la foule. On dirait que je fais un drôle de c'est parce que il y a quelque chose d'un peu mou là, tu sais, dans les stage dives durant la soirée là. C'était pas comme un énorme swing pour aller le plus loin possible. Ouais, parce que de toute façon, on vous aurait pas ramassé, fait que ça aurait pas été fort pratique parce que autrement tous les stage dives ont pas mal été bien exécutés comme dans la foule. C'est juste des fois il manquait un peu de timing et c'est pas tant le timing que justement je parlais de Jean garçon qui était très festif. Ben, disons que des fois, il faut connaître ses limites sur ses consommations. Je me sens hyper moralisatrice comme ça, mais tu sais, quand tu commences à être désagréable, c'est toujours un signe qu'il faut que t'arrêtes! Il y avait un punk qui, accumulait les stage dives, ça n'arrêtait plus. Et le pire qu'il a fait dans la soirée, il a ramassé le pied de micro, il a cassé le pied de micro, il a désaccordé tout le monde. Après ça, là, c'est comme la fin de la chanson. Tout le monde, justement, quand on parle de communauté et d'altruisme, là, le monde, il aide pour le micro, le tienne pour qu'on puisse terminer la chanson. Et c'est là où je trouve la grandeur, ben, c'est tough, je trouve, les micros entre les chansons. Pas tout le monde est habile là-dedans. Mais le chanteur de Guerre la Poubelle, il est extrêmement fort là-dessus. Parce que, oui, il a pointé le gars en disant que c'était un gros con. On a même remis la médaille du gros con durant la soirée. On l'a applaudi. Bon, il a pas compris parce qu'après ça, il a continué quand même. Mais, au lieu de justement être simplement choqué ou seulement pointé, il a surtout moqué, oui, de la personne, mais il a dédramatisé la situation. Parce que, oui, c'est un comportement qu'on pourrait dire condamnable dans une crowd parce que, ben, ça a été utile à personne. C'était plutôt dérangeant. Mais de pas non plus en faire un cas extrêmement lourd durant la soirée parce que des fois, oui, ça peut être pesant. Puis quand on voit que ça se fait souffrir le groupe, ça l'est pas. C'est vraiment... Oui, la musique, oui, l'ambiance, oui, le fait que les amateurs de Guerre la Poubelle à Montréal connaissent les paroles, fait que même le chanteur, des fois, il arrête de chanter pour que ça soit une chorale tout en sueur devant lui. Mais ce que je trouve extrêmement fort des prestations, c'est, oui, encore une fois, c'est l'interaction qu'il a avec le public, le moment qu'il se dit peut-être privilégié de pouvoir s'adresser à des gens et de pouvoir les conscientiser. Évidemment, les paroles de Guerre la Poubelle, ils parlent de la vie. Oui, ça parle, en quelque sorte de politique, mais en même temps, la politique, on s'en sort jamais. Comme j'ai dit, on est en société. Ah, on s'en sort pas. Mais j'ai trouvé que c'était plusieurs fois de belles occasions que je vois très peu... quelles que soient les scènes musicales, telles que dire, justement l'aspect communauté de dire, vous pouvez venir nous parler, vous pouvez venir parler aux gens ici, on est ouvert, c'est ça que veut la communauté punk, alors ne soyez pas timide. Non, mais, j'ai vu personne pleurer, fait que personne n'a fait des témoignages trop émouvants, là, mais juste le fait que tout le monde était réceptif à chacun, oui, c'est beau, c'est rare. Je me rappelle au Obscene Extreme Festival, il y avait un groupe justement qui faisait beaucoup de conscientisation environnementale. Et j'avais appris par un ami qu'il faisait ça à chaque spectacle et ça se renouvelait pas. En quelque sorte, je trouve que ça crée une certaine forme d'aliénation parce que répéter toujours le même discours, ça, ouais, tu le perds à un moment donné. Mais là, il était hyper d'actualité pour mentionner à quel point le punk rock est encore un genre musical apprécié par l'homme hétérosexuel blanc. Alors, sans que ça change quoi que ce soit, parce que ça change pas la crowd, tu sais, ça amène pas des nouveaux gens, mais juste avoir cette prise de conscience, soi-même, en tant que consommateur de musique, en tant que spectateur, qui nous sommes aussi, je trouve ça très important, parce que pour pouvoir, évoluer, changer, c'est aussi d'avoir cette prise de conscience de soi, puis je trouve ça vraiment très, très, très beau qu'ils puissent le permettre comme ça sur scène. Et finalement, je crois que c'était la dernière de la tournée québécoise de Guerre la Poubelle, qui ont commencé ma belle ville natale Trois-Rivières, mais la dernière, je crois qu'on le sentait aussi à la toute fin, dernière chanson, gros trip sur scène, tous les membres des premières parties viennent chanter, viennent jouer de la musique, les deux chanteurs stage dive en même, une première fois puis après ça en même temps, il y avait quelque chose de très euphorique. Et oui, quand on parle de la famille punk, on le ressent parce que les musiciens sont très proches entre eux, mais de le fait de le vivre aussi tout simplement comme spectateur, il y avait vraiment quelque chose d'animé, de fort, d'intense. C'était très beau, j'ai vraiment aimé ça. Puis je crois aussi qu'il faut quand même considérer le fait que c'était la dernière de la tournée, fait qu'il y avait cette énergie là supplémentaire à ajouter. Alors comme j'ai dit en début de critique, je suis tout à fait